Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, troisième épisode de notre série sur les déroutes en campagne présidentielle, 1995, Édouard Balladur. Cette année-là, croyant en son étoile qu'il ne s'est pas encore filante, l'ami de 30 ans de Jacques Chirac, installé dans le fauteuil de Premier ministre par ce dernier, décide de se lancer dans la course à la présidentielle. Surfant sur une incroyable cote de popularité, sa candidature s'impose comme une évidence. Celui qui, depuis ses débuts en politique, a réussi à se glisser dans les arcanes du pouvoir, rêve maintenant d'en prendre les rênes, même si sa position de chef d'un gouvernement de cohabitation lui offre déjà la réalité de la gouvernance. Mais il veut plus, l'Élysée, là où tout se décide. Et c'est là qu'il va pêcher par excès de confiance et incarner l'une des plus grandes déroutes électorales de l'histoire politique française. Notre invité aujourd'hui, Guillaume Tabar, rédacteur en chef du service politique du Figaro. Il est l'auteur d'un livre intitulé « La malédiction de la droite ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Gaspard Valu, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. 29 mars 93, rue de Varennes, Paris. Pierre Bérégovoy, le premier ministre nommé par François Mitterrand il y a 2 ans, est debout sur le perron de l'hôtel Matignon. Il s'apprête à passer la main à son successeur. Une poignée de main très chaleureuse, très longue, même souriante de part et d'autre. À 18h pile sur le perron de l'hôtel Matignon, les deux hommes, Pierre Bérégovoy et Édouard Balladur, sont réputés pour leur ponctualité. Elle n'a pas été prise en défaut et à l'instant même, après donc une heure d'entretien, eh bien Édouard Balladur est en train de raccompagner Pierre Bérégovoy sur le perron pour une nouvelle très longue poignée de main. Édouard Balladur remonte maintenant les 5 marches du perron de l'hôtel Matignon pour rentrer dans des locaux qu'il connaît bien, puisque c'est en 1963, en qualité de conseiller technique de Georges Pompidou, qu'il avait pour la première fois gravi les 5 marches de ce perron, aujourd'hui tapissé de rouge en son honneur. À l'hôtel Matignon, Philippe Bardonneau, France Inter. Quelques jours plus tôt, le Parti Socialiste du Président de la République subissait une cinglante défaite aux élections législatives. Majoritaire avec 275 députés, le PS passe dans l'opposition avec seulement 57 sièges, victime du raz-de-marée de la coalition RPR et UDF. À 2 ans de l'élection présidentielle et de la fin du second et dernier mandat du président Mitterrand, la route vers l'Élysée semble dégagée pour Jacques Chirac. Pour se concentrer tout entier à la campagne qui l'attend, Chirac refuse le poste de Premier ministre, normalement dévolu au chef de la majorité parlementaire. Et c'est un proche qu'il décide d'envoyer diriger ce gouvernement de cohabitation. Un ami de 30 ans qui, depuis les bureaux de Matignon, doit l'aider à conquérir un poste qu'il convoite depuis déjà près de 20 ans, l'Élysée. C'est leur deal. Et pour donner des garanties, Édouard Balladur se fend d'une tribune dans la presse où il explique très clairement que le Premier ministre de la cohabitation n'a pas vocation à devenir président de la République. Pas lui, en tout cas. Édouard Balladur naît à Izmir, en Turquie, en 1929. Après une partie de sa jeunesse passée dans le sud de la France, près de Marseille, il s'installe à Paris. En 1955, il entre à l'ENA et intègre la promotion France-Afrique. Un aveu. Le jeune Édouard est un étudiant brillant, sorti tout en haut des classements, spécialisé affaires sociales. Fraîchement diplômé, il entre au Conseil d'État, à la section des contentieux et travaux publics, où il ne va pas faire vieux os. Car très vite, il est repéré par le Premier ministre Georges Pompidou. Ça ne se refuse pas. À Matignon, il intègre le cercle des jeunes loups de la droite, fidèle du président, promoteur d'un gaullisme rénové. Rue de Varennes, il côtoie d'autres jeunes pousses de la droite française. Parmi eux, Jacques Chirac. Mais ces deux-là ne sont pas faits du même bois. Le premier est un ambitieux, un stratège politique qui débarque le soir dans le bureau du Premier ministre pour discuter tactique autour d'un verre de whisky. Pompidou le surnomme affectueusement son bulldozer. Balladur, lui, est un technicien, un travailleur acharné qui arrive tôt le matin et repart tard le soir, après des heures passées sur les dossiers les plus techniques. Pas vraiment divertissant ce Balladur, mais utile, précieux. À l'approche des législatives de 68, c'est à Jacques Chirac et d'autres jeunes sabras que Georges Pompidou confie la mission de conquérir les bastions de la gauche. Alors que Jacques Chirac part vers la Corrèze, Édouard le fidèle reste aux côtés de son patron, montrant déjà ses pots de goût pour le terrain. C'est clair, Balladur préfère les dossiers compliqués de préférence, parmi lesquels les révoltes étudiantes de mai 68. Au quartier latin, ce fut la journée la plus longue. Après plusieurs autres villes aussi différentes que Rome, Berlin, Ouest ou Varsovie, l'agitation étudiante s'est manifestée à Paris. La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et le degré de sa violence. Une violence qu'on n'avait pas connue ici depuis longtemps. Balladur est en première ligne lors de la gestion de cette crise. Il est assis à la table des négociations pour la signature des accords de Grenelle et il devient l'un des plus proches conseillers du Premier ministre, toujours assis derrière son mentor. Et lorsqu'à la suite du référendum d'avril 69, le général de Gaulle démissionne, il fait encore partie du cercle de proches qui accompagne Georges Pompidou à l'Élysée après son élection au mois de juin. Là, au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, il est nommé secrétaire général adjoint, une sorte de sous-directeur de la maison Élysée, un gros poste. Et c'est lui qui, le 6 juillet 72, se présente sur le perron pour annoncer la composition du premier gouvernement Mesmer. C'est la première fois qu'on entend sa voix. Les journalistes sont à l'affût. Non pas de sa voix, dont ils se fichaient éperdument, ils connaissent à peine ce Balladur, cet homme de l'ombre. Non, c'est la liste des ministres qui les mobilise. Henri Pajot à l'Élysée. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, bien sûr, Henri Pajot. Parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait quelques ratés. Allez-y, Henri Pajot, oui. Voici M. Balladur va lire la liste du gouvernement. Voici la liste des membres du gouvernement nommés par le président de la République sur la proposition du Premier ministre. Ministre d'État chargé de la Défense nationale, M. Michel Debré. Ministre d'État chargé des Affaires sociales, M. Edgar Faure. Ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Jacques Chirac. Voilà, c'est terminé. Vous venez d'entendre Monsieur Balladur qui vient de vous lire la liste du nouveau gouvernement. Je n'ai plus de retour, je ne sais pas... Oui, vous êtes toujours sur l'antenne, Henri Pajot, oui, allez-y. 4 ans plus tard, Édouard Balladur monte en grade. Il devient secrétaire général de l'Élysée. Désormais, il est le boss, après Dieu, autrement dit après le président, qui l'accompagne jusqu'à la fin de son mandat et jusqu'à sa mort, qui se confonde début avril 1974. Dans une période charnière où le président de la République est malade, c'est à Balladur qu'il revient de gérer les affaires courantes. Une situation qui fait de lui un personnage, voire le personnage central du palais et de la fin de mandat de Georges Pompidou. Au printemps 1974, Valéry Giscard d'Estaing s'installe à l'Élysée. Le nouveau président nomme au gouvernement plusieurs héritiers de l'ancien chef d'État, dont Jacques Chirac, qui devient Premier ministre. Édouard Balladur, lui, se met en retrait de la vie politique. Il est de retour au Conseil d'État avant d'aller pantoufler dans le privé. Mais la droite française cherche un nouveau souffle. Et c'est avec Jacques Chirac qu'elle tente de le trouver. En décembre 76, l'ancien bulldozer de Pompidou claque la porte de Matignon avec fracas, bien décidé à ne pas laisser les centristes de Giscard prendre l'ascendant sur sa famille politique et sur la droite. Il fonde alors, toujours avec fracas, le RPR, le Rassemblement pour la République. Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'abord, le sacre de Jacques Chirac, c'est, je crois, le mot qui convient, Chirac superstar, élu depuis quelques heures président du RPR. Et il y a bien eu 50 000 personnes aujourd'hui à la porte de Versailles, un triomphe qui bouscule bien des données de la politique française, un triomphe dont voici l'aboutissement. J'ai l'honneur de proclamer Jacques Chirac président du Rassemblement pour la République. Quelques mois plus tard, lors des élections municipales, Jacques Chirac conquiert la mairie de Paris, écrasant le candidat Giscard, Michel Dornano, disséminé façon puzzle. Un triomphe pour les néo-gaullistes qui détestent Giscard. Ce dernier pourra le vérifier en 1981. C'est toutefois en 79, avec les élections européennes à venir, que le RPR va pouvoir juger de sa capacité ou non à rassembler la droite. Et c'est un échec cuisant, bien que logique. La liste gaulliste se classe en quatrième position derrière le Parti communiste. Logique, oui. Pour une formation dont le chef n'a cessé de dire pique-pendre de l'Europe, notamment avec l'appel de Cochin, 6 mois plus tôt. Mal conseillé, Jacques Chirac traite à ce jour-là les partisans de l'Europe, ceux de Giscard en particulier, de parti de l'étranger. Une belle connerie, comme il le reconnaîtra plus tard. C'est alors qu'Édouard Balladur refait surface et se rappelle au bon souvenir de celui qu'il avait rencontré dans les bureaux de Matignon, 15 ans plus tôt, lors de leur jeunesse pompidolienne. C'est au début de la décennie 80 que Balladur devient un proche conseiller du maire de Paris. Il est toujours en poste dans le privé, mais il passe de plus en plus de temps à l'hôtel de ville. Membre du bureau politique du RPR, il discute avec le patron des grandes orientations à prendre et des stratégies à adopter en vue des prochaines échéances électorales. Parmi les proches de Jacques Chirac, Édouard Balladur est un personnage singulier. Il n'est pas un homme politique comme les autres. Et les Pasqua, tout bon, Séguin, Juppé, ce qu'on appelle alors les barons du RPR, sont perplexes face à la personnalité de l'ancien secrétaire général de l'Élysée. Eux, les politiques purjus, ne sont pas particulièrement séduits par ce haut fonctionnaire austère et peu à l'aise en public. Dans son livre « La malédiction de la droite », Guillaume Tabar relate une petite phrase que Charles Pasqua aurait prononcée à l'encontre de ce conseiller de l'ombre, à ses proches. Il aurait confié « Je crois que Jacques nous a dégoté un sacré casse-couille », ce qui a le mérite d'être clair. Après le semi-échec de sa candidature à la présidentielle de 81, semi-échec parce qu'après tout, il réalise un très bon score qui lui permet de prendre date, Jacques Chirac devient tout naturellement le chef de l'opposition. Casse-pied mais fine mouche, Édouard Balladur insuffle une nouvelle ligne politique parce qu'il a compris qu'un ambitieux comme Chirac, qui n'a qu'une idée en tête, devenir président de la République, n'y parviendra pas s'il ne se convertit pas à l'idée européenne. Alors le conseiller de l'ombre lui propose d'adopter une ligne résolument libérale et donc pro-européenne. Giscard à août, la voie est libre pour s'opposer au pouvoir socialiste jusqu'à la prochaine présidentielle en 88, et peut-être plus tôt d'ailleurs, à l'occasion des législatives de 86. Le RPR a donc 5 ans pour convaincre les Français. Doucement mais sûrement, le parti regagne du terrain. Succès net et sans bavure au municipal de 83, l'horizon s'annonce tout bleu. Oui, mais voilà, le président est socialiste, alors. Que se passerait-il si l'Assemblée basculait à droite dans une situation inédite? Le génie des arcanes du pouvoir estime alors que rien n'empêche la mise en place de ce qu'il appelle lui-même la cohabitation. Un peu comme un couple qui veut divorcer, mais qui ne le fait pas à cause des enfants. Là, il s'agit de la France. Alors on fait appartement commun, mais on se regarde en chien de faïence. Et c'est donc dans une tribune publiée dans Le Monde, le 16 septembre 1983, qu'Édouard Balladur prend les devants et évoque pour la première fois cette possibilité de cohabitation. Nos institutions n'ont jamais connu leur minute de vérité. Celle où devrait cohabiter un président d'une tendance et une assemblée d'une autre. Si cela se produit un jour, il serait évident que le pouvoir présidentiel dispose d'une autorité variable selon qu'elle repose ou pas sur une majorité parlementaire. Nous vivons sous une monarchie présidentielle, mais ses pouvoirs sont d'une efficacité variable selon la composition de l'Assemblée. Et notre Constitution est riche de nombreuses virtualités. Derrière cette virtualité, l'objectif du RPR est désormais clair, faire entrer Chirac à Matignon. C'est chose faite le 16 mars 86. Grâce à la large victoire de la liste qu'il mène, Jacques Chirac est nommé Premier ministre par François Mitterrand. Et il n'oublie pas de remercier son fidèle conseiller. Après lui avoir offert un siège de député de Paris dans la confortable circonscription du 15e arrondissement, il nomme Balladur au gouvernement, et pas n'importe quel poste. Parmi les membres du gouvernement, l'un d'entre eux a rang de ministre d'État, c'est dire son importance. Il s'agit de M. Édouard Balladur, qui a la charge de l'économie, des finances et de la privatisation. M. Balladur est un ancien collaborateur proche de Georges Pompidou. Il est présenté aujourd'hui comme l'un des conseillers les plus influents de Jacques Chirac. Écoutez ce qu'il disait il y a quelques semaines à RTL de la période qui s'est ouverte après le scrutin de dimanche dernier. J'entends dire parfois que ce gouvernement, de cette période de 2 ans, de 1986 à 1988, serait condamné à l'électoralisme. Je crois qu'il sera condamné au courage. Je crois que les Français sont très loin d'être sots et que si on a laissé de leur faire plaisir aux uns et aux autres et à toutes les catégories sans résoudre les vrais problèmes du pays, alors pour le coup, ce sera un échec. À l'époque, les chargés de com' d'Édouard Balladur ne manquaient jamais de dire aux journalistes, surtout quand vous vous adressez à M. Balladur, dites-lui M. le ministre d'État. Consigne que ces mêmes journalistes se faisaient un plaisir de ne pas respecter. Et au-delà, c'est une anecdote qui dessine le portrait que sera celui d'Édouard Balladur au fil des mois, à partir de mars 86. Les 2 années du duo Balladur-Chirac au gouvernement sont marquées par les privatisations et la mise en place d'une politique libérale. Mais le maire de Paris échoue de nouveau lors de la présidentielle de 88, haché menu par François Mitterrand au sommet de son art, injouable. Mais Jacques Chirac ne désespère pas. Il est de la race de ceux qui veulent absolument être président. C'est le but de leur vie. Laisser du temps au temps, aura-t-il appris auprès de François Mitterrand lors de la cohabitation. Donc, horizon 95. Avant cela, il faut refaire le coup de droite 86 et remettre un élu de la droite à Matignon dès les élections de 93. Chat et chaud des crânes d'eau froide, cette fois Jacques Chirac ne compte pas retourner à Matignon. Trop galère, machine à perdre. En cas de victoire, il ne sera donc pas Premier ministre. Non, il laissera ce poste à son ami Édouard, qui ne se fera pas prier. Et le 13 juin 90, toujours dans les colonnes du journal Le Monde, Balladur affirme que celui qui sera à Matignon ne pourra pas être celui qui se présentera à la présidentielle de 95. Pour Chirac, c'est par ici la bonne affaire et une assurance vie au service de ses ambitions. Tout va bien. Jusqu'au moment où M. Balladur commence à s'affirmer. Des arbres se penchent plus fort que tout, accrochés aux branches, l'air me semble encore trop doux, dans l'herbe écrasée, à compter mes regrets, allumé, craqué, et tout part en fumée, pendant que les champs. Sensible. Depuis sa circonscription du 15e arrondissement, Édouard Balladur commence à se détacher de son encombrant patron. Il consulte, reçoit, conforte ses alliés, les élus RPR, mais aussi et surtout ceux de l'UDF, parti de l'ancien président Giscard. Tout ce beau monde se succède dans son bureau. Charles Pasqua, proche de Jacques Chirac, s'inquiète de l'émancipation du discret Balladur. Et il l'avertit. « Méfie-toi, Jacques. Si tu laisses aller à Matignon Balladur, il voudra prendre ta place à l'Élysée. »« N'importe quoi », pense le maire de Paris. Le 28 mars 93, comme prévu, le RPR et ses alliés de l'UDF remportent les élections législatives. 261 députés pour le RPR selon BVA, 215 pour l'UDF, premier renseignement, 6 députés divers droites, selon 482 députés donc pour la nouvelle majorité UPF, Union pour la France. Premier commentaire, Gilles Leclerc. Eh bien, il s'agit ce soir d'un bouleversement de la vie politique française avec pour la droite une très très large majorité d'une ampleur même jamais vue sous la 5e République. C'est le résultat avec 482 sièges, plus un scrutin majoritaire qui a amplifié donc les résultats de dimanche dernier. Voici ce qui explique ce soir cette physionomie quasi historique de la nouvelle Assemblée, avec une droite ultra-majoritaire. Et comme convenu, ce n'est pas Jacques Chirac, le leader de l'opposition qui s'installe à Matignon, mais bien Édouard Balladur. Au second, la gestion des affaires, au premier, la campagne présidentielle, déjà sa troisième. Le maire de Paris compte bien tirer les ficelles du gouvernement depuis l'hôtel de ville, mais dès sa nomination, Édouard Balladur lui fait comprendre que ce ne sera pas le cas. Pour preuve, la composition de ce gouvernement où il place ses pions, en 24 heures seulement, il choisit seul ses futurs ministres. Pasqua à l'intérieur, Juppé aux affaires étrangères et Sarkozy au budget, des Chiraciens de premier plan, hold up. Mais c'est quand même l'UDF, le parti centriste, qui ramasse la mise. 14 ministres sur un total de 29. Et 3 des 4 ministres d'État de ce gouvernement ne sont pas issus du RPR. Jacques Chirac hallucine, mais laisse couler. Il faut ménager le nouveau Premier ministre, connu pour sa susceptibilité. D'autant que durant les premières semaines, les deux hommes se parlent quotidiennement. Chirac dispose d'une ligne directe vers le bureau de Balladur et n'hésite pas à l'utiliser, quitte à en abuser. Mais rapidement, le Premier ministre se montre plus distant. Jusqu'au jour où il décide carrément de ne plus le prendre au téléphone. Autre chose à faire, on lui a confié le redressement de l'économie française, ça lui paraît bien plus important. Moins de 3 mois après son arrivée à Matignon, la politique de rigueur qu'il met en place commence à payer. Sa cote de popularité monte en flèche. Jacques Chirac observe, presque impuissant, l'ascension de son encombrant conseiller. Amer, il se tait quand on lui demande de défendre le gouvernement attaqué sur sa politique d'austérité. Le Premier ministre, lui, se sent trahi. L'échange d'amabilité peut alors débuter. Durant l'été 93, lors d'un déjeuner hebdomadaire avec les ténors du RPR, au maire de Paris qui lui demande d'accélérer le rythme des réformes, il répond sèchement « Je vous en prie, Jacques, à chacun son style. » Colère froide. Dans le camp de la droite, cette rivalité commence à inquiéter, responsable comme militant. Et c'est dans cette ambiance délétère que s'ouvre l'université d'été du RPR le 7 septembre 93. Mais Jacques Chirac rassure ses troupes. Balladur ne trahira jamais. D'ailleurs, à la tribune, il n'hésite pas à évoquer une amitié de 30 ans, assortie selon lui d'une fidélité sans faille. Réplique de Balladur, l'amitié en politique, ça n'existe pas. Comme ça, c'est clair. Lors d'un déjeuner avec les journalistes, il ajoute « Chirac s'énerve, nous travaillons ». Et à ses proches, il explique « Je le soutiendrai à la présidentielle dans la mesure où il m'aura soutenu au gouvernement ». Lors des journées parlementaires qui se déroulent à La Rochelle quelques jours plus tard, les deux sont présents. Forcés de jouer un semblant d'unité, ils posent ensemble pour les photographes sur un ponton de la cité portuaire. C'est Tartuffe qui s'invite en politique. Ils sont sur le même bateau et ni l'un ni l'autre ne songent à tomber à l'eau. Alors Jacques Chirac et Édouard Balladur, condamnés à s'entendre, veulent que cela se sache. L'union vaut bien une petite promenade soigneusement mise en scène. Les ministres et les parlementaires RPR n'attendaient que cela, surtout ne pas avoir à choisir maintenant leur candidat à l'Élysée. Alors durant ces 2 jours, Jacques Chirac et Édouard Balladur ont joué la même partition de l'amitié non concurrentielle. Ceux qui s'inquiètent à l'idée que la discorde pourrait s'introduire entre Édouard Balladur et moi peuvent être tout à fait rassurés. Et ceux qui s'en réjouissent ou s'en réjouiraient, eh bien, je vous le dis, ils seront déçus. Cette image de com' politique voulait montrer une unité retrouvée entre les deux hommes. Tout au contraire, elle en révèle la profonde vérité. Le duel fratricide est bien lancé. Et il sera le plus âpre, le plus violent de tous les affrontements de l'histoire de présidentielle de la Ve République, parce qu'il s'agit d'une affaire de famille, où la notion de trahison est plus prégnante que nulle part ailleurs. Détenteur du pouvoir, Édouard Balladur est tout à sa tâche. Il s'engage dans de grands chantiers, réforme des retraites, privatisation, baisse des impôts, réduction du déficit budgétaire qu'il fait passer de 341 à 275 millions de francs en 93. Toute la droite applaudit. Pendant ce temps, Jacques Chirac ronge son frein et compte les jours. Putain 2 ans, d'excité guignol, à la fois humoriste et brillant observateur de la vie politique sur le Canal Plus des grands jours. En octobre 93, les sondages donnent 10 longueurs d'avance à Édouard Balladur. François Mitterrand lui aussi compte les points. Il joue de cette rivalité qu'il observe chez ses adversaires, prenant la défense de l'un puis de l'autre, pendant que les ministres se joignent au concert. Alors qu'ils avaient reçu la consigne de ne pas évoquer la présidentielle avant le début de l'année 95, 2 d'entre eux vont se prononcer en faveur d'Édouard Balladur. Le dimanche 19 décembre, Simone Veil, figure de l'UDF, se fend d'une déclaration reprise par tous les commentateurs politiques. Parmi les déclarations politiques du week-end, il y a justement celle de Simone Veil. Elle était il y a quelques minutes seulement invitée de 7 sur 7 sur TF1. Éloge d'Édouard Balladur qu'elle trouve, vous allez le voir, très présidentiable. Il a pris une telle dimension internationale, non seulement par rapport aux Français, mais par rapport aux Européens et par rapport à la communauté internationale. C'est une qualité formidable pour un Premier ministre. Et un Premier ministre qui, naturellement, étant une stature de chef d'État, devient nécessairement un présidentiable. Nous sommes beaucoup à penser que les qualités qu'il a en feraient un formidable président de la République. François Léotard, autre poids lourd de l'UDF, confirme. Lui aussi souhaite qu'Édouard Balladur se présente à la présidentielle. Et il le soutiendra, bien sûr. L'intéressé laisse dire. Mais arrivent les soucis. Habituel, cela dit, pour un Premier ministre. Là, c'est une tentative de réforme de l'école qui échoue. Ici, c'est la création du CIP, le contrat d'insertion professionnelle, la fausse bonne idée par excellence. Cette mesure, qui devait favoriser l'accès à l'emploi des jeunes, les fait descendre dans la rue, rapidement suivie par les syndicats. S'en suivent plusieurs semaines de mouvements sociaux. On reproche aussi à Édouard Balladur son manque de courage face au président qui refuse de relancer une vague d'essais nucléaires. Quelques accros qui provoquent un léger fléchissement de sa dynamique dans les sondages. Rien d'affolant. Mais quand les nuages arrivent, en période électorale, on ne sait pas comment le temps va tourner. Faut-il y voir un lien ? Toujours est-il que le 4 novembre 1994, Jacques Chirac se lance dans la course, soutenu par son parti, pas celui de Balladur, l'URPR. France Inter. Eh oui, c'est parti pour la course à l'Elysée, et c'est Jacques Chirac qui donne le signal. Dans les colonnes du journal La Voix du Nord, le président du RPR se déclare candidat à l'élection présidentielle, afin, dit-il, de clarifier la situation. Le maire de Paris crée malgré tout la surprise en se déclarant si tôt. C'est bien dans sa nature, Élise Carlin, et en plus, cela devenait politiquement nécessaire. Oui, trop à l'étroit dans son costume de candidat virtuel, Jacques Chirac endosse une veste à ses mesures. Désormais, Jacques Chirac peut officiellement battre campagne, le rôle dans lequel il est le meilleur, et qui devrait lui permettre de remonter dans des sondages désespérément mauvais. Édouard Balladur, qui a toujours fixé le délai au mois de janvier, devra donc réussir à continuer d'imposer son calendrier s'il veut conserver la maîtrise des événements. Jacques Chirac fustige la tiédeur qui enlise le pays, une pique directement adressée à Édouard Balladur. Mais le Premier ministre n'est pas plus inquiet que ça. Sa stratégie est simple, miser sur l'évidence de sa candidature. D'ailleurs, et malgré une légère baisse dans les sondages, il est encore largement en tête. Il est même donné vainqueur face à Jacques Delors, le candidat espéré de la gauche. Et pas seulement. Car le sage social-démocrate, l'ancien ministre socialiste des Finances, est devenu une icône. À ceci près, comme l'aurait dit François Mitterrand, qu'il voulait être président de la République, mais pas candidat. Le 11 décembre, il est sur le plateau de l'émission 7 sur 7, et après un préambule interminable, comme si le sort du monde en dépendait, il annonce qu'il ne se présentera pas, tout ça pour ça. Encore un coup gagnant, pense Balladur, ce sera Jospin, rien à craindre. Et le Premier ministre va clore l'année avec encore un événement qui le sert. Le 24 décembre, un avion de ligne reliant Alger à Paris est détourné par un commando terroriste du groupe armé islamique. Après s'être posé à l'aéroport de Marseille, une longue prise d'otages commence. La libération de 65 d'entre eux est négociée avant que l'ordre soit donné de lancer l'assaut. Malgré la mort d'un gendarme du GIGN, l'opération est un succès. Balladur triomphe, Jacques Chirac s'étrangle. Le gouvernement s'est inspiré de deux considérations. La première, ne pas céder au chantage. La seconde, tout faire pour protéger les vies humaines. Il est rapidement apparu que la seule solution pour sauvegarder les vies humaines était de décider l'assaut. C'est donc ce que j'ai décidé. Je tiens d'abord à dire que l'opération s'est déroulée dans des conditions exemplaires de courage et d'efficacité. Et je tiens donc à remercier toutes les forces de l'ordre, et spécialement le GIGN. L'année 95 débute encore une fois en faveur d'Édouard Balladur. Toujours pas candidat déclaré, mais une cote de confiance qui frôle les 58%. Et le 14 janvier, c'est un poids lourd de la Chiraki qui le rejoint, son ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. Celui-même, la même qui l'avait traité de casse-couille 15 ans plus tôt. C'est dire l'intensité de la Balladur-mania qui règne à ce moment de la campagne. Chirac désespère. Les rats quittent le navire, ce RPR qui les a nourris, ainsi que son chef, qu'ils abandonnent. Heureusement, d'autres fidèles restent fidèles. Les Juppé, Séguin, Debray. Mais tout de même, Pasqua, quel coup de massue pour le maire de Paris. C'est le moment d'enfoncer le couteau dans la plaie. Édouard Balladur annonce sa candidature. Le 18 janvier, dans son bureau de Matignon, il s'adresse aux Français. J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. C'est la difficulté de la tâche entreprise. c'est l'ampleur de celle qui reste à accomplir. C'est la confiance de nos concitoyens, maintenue depuis 20 mois, qui me détermine à solliciter leur suffrage. En cet instant, je mesure avec émotion la gravité de ma décision. Premier ministre, surtout sinistre. Oui, le ton est sinistre, tout comme le décor. C'est un ratage. Le candidat lui-même semble engoncé et dans son costume et dans son discours. En a-t-il conscience? Si oui, une consolation arrive vite. Le lendemain, en effet, c'est une figure de proue du RPR qui annonce son ralliement à Édouard Balladur, Nicolas Sarkozy. Une couleuvre de plus à avaler pour Jacques Chirac. Oui, mais voilà, Balladur, candidat, rechigne à faire campagne. Il juge sa situation suffisamment favorable pour ne pas avoir à multiplier les déplacements et les meetings. À l'inverse, Jacques Chirac se donne à fond dans un exercice où il excelle. Il enchaîne les déplacements, les grands rassemblements et surtout, il affine sa stratégie avec son nouveau thème, la fracture sociale. Et ça commence à frémir. Là-dessus, les guignols et leur acuité légendaire montrent un Jacques Chirac couteau planté dans le dos, trahi par les siens. Victime, il apparaît sympathique. Et puis les pommes, manger les pommes, martèle Jacques Chirac, qui n'aime pas les pommes? Chirac sympa, c'est là que se forge cette réputation qui ne le quittera plus. Côté campagne, c'est clair, le vent commence à tourner, le candidat du RPR remonte dans les sondages. Inquiets, les soutiens de Balladur pressent leur champion de se lancer dans l'arène. Mais le Premier ministre n'est pas un tribun. Mal à l'aise sur scène, il doit forcer sa nature, et ça se voit, tout comme son peu de goût pour serrer les mains. Et ce qui devait arriver arrive. Le 3 mars, les courbes des sondages se croisent. France Inter. Pour la toute première fois, un sondage CSA pour France Inter donne Jacques Chirac vainqueur de l'élection présidentielle. Au second tour, le candidat du RPR l'emporterait dans tous les cas de figure. Au premier tour, il coifferait nettement Édouard Balladur, lui-même devancé par Lionel Jospin. C'est peut-être le tournant d'un scrutin qui s'annonçait joué, Jean-Pierre Laborde. Retournement de tendance spectaculaire, non seulement par les chiffres et leurs écarts, mais aussi parce que le sondage fait apparaître un fait nouveau. L'érosion de l'électorat d'Édouard Balladur, son éloignement du noyau dur de la majorité. La structure des électorats respectifs montre la distance entre Balladur et la famille RPR. 27% des sympathisants voteraient pour lui, contre 52% pour Jacques Chirac. Comme une meute aux abois, voire en panique, le Premier ministre et ses troupes tentent de relancer la machine. Pas facile, d'autant que c'est Jacques Chirac qui tient les cordons de la bourse au RPR, le nerf de la guerre. Et puis les campagnes présidentielles ont ceci de particulier, c'est dynamique ou spirale pour les candidats. Pour Balladur, c'est clairement une spirale. Sans compter sur une affaire politico-judiciaire qui va enfoncer le clou, l'affaire Schuller-Maréchal qui fait descendre Balladur de son piédestal sur le mode « voyez, lui aussi il est comme les autres ». Et le 23 avril 95, au soir du premier tour, Lionel Jospin arrive en tête, suivi de Jacques Chirac. Édouard Balladur est troisième, éliminé. Déjà, Monsieur Chirac, il faut que vous récupériez toutes les voix de Monsieur Balladur. Ah oui, mais là, il n'y a pas de problème. Française, français, j'ai toujours le plus grand respect pour Couillemol. Voilà, c'est fait. J'ai récupéré toutes les voix à l'autre trou de balle. Pas de polémique. Pile poil. Taisez-vous, s'il vous plaît, taisez-vous, s'il vous plaît, et laissez-moi faire ma déclaration. C'est M. Jospin et M. Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je ne veux pas revoir ce qui s'est passé en 1981 et en 1988. Je ferai tout pour l'éviter. Au deuxième tour, je voterai pour Jacques Chirac. La mort dans l'âme et la défaite agressive, comme on vient de l'entendre, Édouard Balladur n'a pas d'autre choix que de soutenir Jacques Chirac, qui l'emportera. Il deviendra président de la République le 7 mai 1995. Ainsi se dénoue la dramaturgie la plus spectaculaire de notre histoire électorale, qui depuis 27 ans laisse des traces. Tous les déchirements de la famille gaulliste trouvent leurs racines dans ce duel fratricide de 1995. La rivalité Villepin-Sarkozy en a constitué l'exemple le plus frappant ces dernières années, tout comme l'affaire Clearstream qui en découle. Aujourd'hui, depuis le fiasco de Valérie Pécresse à cette présidentielle 2022, anciens rivaux de la famille néo-gaulliste se retrouvent ou se croisent dans la tombe, ou presque. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Édouard Balladur, radioscopie d'un échec. Nous allons en parler avec notre invité, Guillaume Tabar. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef du service politique du Figaro. Vous êtes l'auteur du livre intitulé « La malédiction de la droite ». Vous connaissez donc bien la droite que vous avez passé votre temps à observer, à commenter. Est-ce que vous avez le sentiment, comme moi et comme beaucoup d'autres, j'imagine, que cette campagne de 95 et cette histoire de famille entre Balladur et Chirac a été ce qu'on a vu de plus violent, humainement? Oui, précisément, vous l'avez dit, parce que c'est une affaire de famille. C'est-à-dire que l'enjeu du duel Chirac-Balladur, ça n'est pas une querelle idéologique de fond. On en a connu dans la vie politique. Sans doute la plus célèbre, c'est Mitterrand-Rocard à gauche, où là, on avait deux visions radicalement différentes de la gauche. Entre Chirac et Balladur, c'est la même vision de la droite. Vous l'avez rappelé dans le début de votre émission. Ils ont travaillé ensemble au cabinet de Georges Pompidou. Ils ont gouverné ensemble en 86. Ils avaient la même vision des choses, que ce soit sur l'économie, la société ou la manière de vivre la vie politique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y en a un qui pensait, vous l'avez très bien rappelé, garder tranquillement sa place se préparer à être candidat en mettant quelqu'un qui ne lui fasse pas d'ombre à Matignon et qui, en gros, ferait ce qu'il lui dirait. Et quelqu'un d'autre qui, dans l'exercice de cette fonction, s'est rendu compte qu'il se débrouillait pas si mal que ça, qu'il se débrouillait peut-être même mieux que d'autres pouvaient le penser, et ça lui a donné des idées. Et voilà, et après, on voit très bien comment se met en place cette spirale infernale, où c'est vraiment ensuite le jeu des égos et les haines personnelles qui finissent par prendre le dessus. Et comment se fait-il que les centristes de l'UDF, alliés établis du RPR, aient rejoint le camp Balladur? L'ont-ils fait pour devenir ministre, ou est-ce qu'ils se sont dit que Balladur pouvait avoir cette sorte de gaullisme social, tout centre droit, vous voyez? Alors, les deux à la fois. L'UDF, c'est-à-dire que la famille libéralo-centriste, comment on peut la définir, qui avait été créée par Giscard, mais qui est restée traumatisée par le grand échec de 81. 81, c'est la grande alternance, donc c'est pas une défaite comme les autres. C'est vraiment un tournant dans l'histoire politique française, avec un Giscard à terre à ce moment-là. Un Raymond Barre qui tente ensuite de reprendre le flambeau, mais qui se plante à son tour en 88. Voilà, donc la famille centriste est orpheline d'un candidat qui puisse gagner. Et les centristes de l'UDF, ils en avaient un peu marre, en gros, d'être les apporteurs d'idées, d'être ceux qui disaient, voilà, on réfléchit à l'économie, à la décentralisation, à l'Europe, etc. Mais lorsqu'ils allaient être gouvernés, c'est toujours le RPR qui prend les places et les portefeuilles. Et là, l'UDF se rend compte que dans cette guerre interne au RPR, il y en a un dont ils se sentent un peu plus proches. C'est vrai que Jacques Chirac, c'est vraiment le RPR caporalisé, avec cette aventure militante fabuleuse. D'ailleurs, vous avez rappelé la conquête de la mairie de Paris en 77. Voilà, le RPR, c'est vraiment cette machine à gagner. là où Balladur, lui, il était au RPR, mais les meetings, les militants, oui, les campagnes, c'était pas son truc. Il y a un côté bonapartiste chez Chirac, presque un côté orléaniste. Voilà, on retourne toujours sur cette vieille distinction de la droite, et c'est vrai que... Exactement. Mais, j'allais dire, c'est plus par tempérament que l'un était bonapartiste et l'autre orléaniste. Bon. Ensuite, ce que je trouve intéressant et amusant dans cette histoire, c'est que c'est la rivalité personnelle qui va ensuite dicter des visions différentes. On a beaucoup dit qu'en 95, Chirac avait gagné sur la fracture sociale, qu'il avait réussi à avoir une approche peut-être plus populaire, plus sociale des choses, là où Balladur, c'était le libéralisme classique. Mais cette fracture sociale, eh bien, Jacques Chirac l'a trouvée, l'a inventée ou l'a achetée uniquement parce que c'était pour lui le moyen de contourner Balladur sur sa gauche. Je ne suis pas sûr que, au départ, Chirac était plus convaincu que ça par cette fracture sociale. Et d'ailleurs, son septennat, ensuite, a montré que ses promesses de la fracture sociale ont fait long feu. Hein. Dès le mois d'octobre 95, il est contraint d'y renoncer. Mais voilà, ça a été un outil tactique, ce qui fait que, oui, on a vu, si on veut prendre des étiquettes un peu faciles, mais après tout, on fonctionne aussi comme ça, un Chirac se gauchir, là où un Édouard Balladur cherchait davantage à fédérer l'ensemble des sensibilités de la droite. Est-ce que le fait que Chirac n'ait pas soutenu l'action de Balladur et que Balladur se soit senti trahi est la cause de la querelle ou est-ce que c'est la conséquence? Alors là, on est vraiment dans l'exemple typique de la poule et de l'œuf. Qu'est-ce qui a provoqué l'un? Les deux, en principe, on répond les deux. Voilà, les deux. En disant que chacun a sa vision des choses. Ouais. Bon. Côté Chirac, c'est clair. Balladur avait masqué une ambition élyséenne et celle-ci s'est dévoilée. Il a fallu résister à cela et donc se démarquer de lui pour éviter qu'il emporte tout le morceau. Côté Balladur, il prétend qu'il était totalement sincère en entrant à Matignon en disant « Celui qui sera Premier ministre ne devra pas briguer la présidence de la République ». Mais il dit « Bah oui, mais il aurait fallu être soutenu ». Et c'est vrai que très très tôt, Jacques Chirac commence à faire entendre sa petite musique, sa différence, fait des remarques. Et Édouard Balladur, entre autres qualités, c'est quelqu'un d'assez susceptible et il a mal vécu ces remarques faites par Jacques Chirac. Ensuite, on se souvient d'une phrase célèbre prononcée par Philippe Séguin. Philippe Séguin, patron de l'Assemblée nationale à ce moment-là. Fidèle de Chirac. Enfin, devenu un fidèle Chirac, parce que justement, avant cette guerre-là, Séguin, pour le coup, c'était l'aile sociale du RPR. En 91, faut pas oublier qu'avec Charles Pasqua, il tente une OPA sur le RPR contre Chirac et Juppé. Donc, en gros, les sociaux contre les libéraux, les souverainistes contre les européens. Bon. Et, Séguin étant agacé par Balladur, choisit de soutenir Jacques Chirac, et Jacques Chirac voit l'occasion de faire une sorte d'alliance des contraires ou d'alliance complémentaire. Il y a cette fameuse critique de Philippe Séguin, je crois que c'est dès septembre 93, où il qualifie la politique économique et sociale d'Édouard Balladur de « Munich sociale ». Pour un gaulliste, parler de Munich, c'est quand même une injure. C'est violence, hein. Voilà. Et ça, Édouard Balladur l'a très très mal vécu. Et vous voyez, tout ça fait que chacun s'est enfermé dans son ressentiment. Et la rupture était fatale. Suite du polar dans 3 minutes, Guillaume Tabar. Words around town, I can't put you down, I can't keep my cool. Otis Harding sur France Inter, Forevermore. Guillaume Tabar, est-ce que les Français ont plus choisi un tempérament, chez Chirac, une attitude, plutôt qu'un choix programmatique? Ce qui serait très 5ème République et très élection présidentielle, hein, d'ailleurs. Exactement, et même, j'allais dire, au-delà de la 5ème République, c'est très conforme au tempérament français, à l'histoire politique française. La France est un pays du pouvoir incarné. Il y a des pays où on est dans le débat d'idées, etc. Bon, la France, voilà, aime bien que ses combats, les combats politiques, soient incarnés par des personnalités fortes. Hein. Quand même, la France, c'est le pays de Jeanne d'Arc, de Louis XIV, de Napoléon, de Gaulle. Et voilà. Et aujourd'hui, on voit bien comment, encore dans cette présidentielle, la personnalité des candidats prime finalement sur leur projet. Et c'est vrai que Jacques Chirac, c'était quand même toute une aventure politique. Vous l'avez rappelé très bien au début, ce jeune loup de ouais, l'écurie Pompidou qui gravit les marches de la vie politique très rapidement, au point de devenir Premier ministre à 42 ans. Voilà, ouais. Il n'a même pas 42 ans lorsqu'il devient Premier ministre. Moins de 2 ans après, il claque la porte de Matignon, il crée un parti, il s'empare de la mairie de Paris, il est candidat à la présidentielle. Voilà, c'est un destin assez incroyable. Qu'on a peut-être oublié parce que ensuite Jacques Chirac a peut-être aussi laissé l'image de présidence plus plus plan-plan. Enfin, je veux dire, voilà, résident de la République. Voilà, oui, c'est Vachard. C'est un livre de Jean-Marie Colombani, je crois, le résident de la République. Gisbert voilà, peut-être. Ou Gisbert peut-être non. Je crois que c'était Jean-Marie Colombani, le résident de la République. Ouais. Bon, mais voilà, c'était un animal politique absolument incroyable et une personnalité qui exerçait une fascination. Pendant cette campagne, on se battait savoir qui faisait les plus gros meetings, avec combien de personnes au Trocadéro, à la République, Porte de Versailles, etc. Mais Jacques Chirac, lui, il enchaînait les meetings qui réunissaient des milliers et des milliers de personnes. Il avait rempli le Parc des Princes lors de la présidentielle de 81. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, n'importe quel candidat soit capable de le faire. Donc il y avait une véritable fascination militante pour l'homme Jacques Chirac. Je pense que ça a énormément compté dans cette bataille de 95. Et à ce dynamisme s'est ajouté aussi cette image de cet homme trahi, les guignols. Cet homme les guignols, oui. C'est efficace, hein. Ah, c'est incroyable, parce que les guignols au départ c'est quand même fait pour le brocarder. Je veux dire que on voit le malheureux Chirac totalement désœuvré, qui cherche comment remplir son agenda, le fameux putain de zang, je l'avais également rappelé. Bon, et ça renversait aussi peut-être. Disons qu'il y avait une partie de droite très militante qui aimait Chirac. Bon, et il y avait des gens de gauche qui au contraire avaient une image assez sévère de Jacques Chirac. L'un de ses surnoms dans les années 70, c'était Facho Chirac. Facho Chirac, absolument. Facho Chirac, c'est pas tendre, et surtout quand on se souvient comment ça correspond pas du tout à lui, en plus. A fini sa carrière politique en dénonçant à l'inversement l'extrême droite. Donc Facho Chirac. Mais là, l'image de l'homme trahi, de l'homme abandonné, de l'homme seul a finalement contribué à humaniser son image, et les deux phénomènes se sont réconciliés. La fascination militante d'un côté et une certaine sympathie personnelle pour le personnage. Et c'est vrai qu'il y a eu une équation Chirac qui s'est matérialisée en 95. J'ajouterais quand même juste une petite nuance, parce que cette campagne de 95, qui était effectivement une très belle épopée, avec une envolée de Chirac, à l'arrivée dans les urnes, le candidat Chirac, donc l'année de son élection, il fait 20,64%. Pas plus. Hein. Pour un candidat élu à président de la République, 20%, c'est très mauvais. Donc vous voyez, c'est faut quand même nuancer aussi la réalité électorale par rapport à une épopée telle qu'elle a été vécue, racontée. Est-ce que l'affaire Schuller-Maréchal a un vrai poids? Alors sans doute, cette fois-ci, contre Édouard Balladur. Contre Balladur, bien sûr. Charles Pasqua, qui était un peu l'agent. Alors, c'est très compliqué. Vous savez qu'il y avait à cette époque des débats, des enquêtes, notamment du juge Alphen, sur le financement du RPR. HLM de Paris, par les HLM de Paris, absolument. Et tout ça. Bon. Et donc, le juge Alphen enquêtait là-dessus. Donc, à charge pour Chirac. Ouais. Bon. Et Charles Pasqua a eu l'idée de compromettre le juge Alphen, via des contacts entre son beau-père, Exactement. etc. Enfin, l'histoire est très compliquée, très mais compliqué. Qui visait à dire, cette enquête, elle est manipulée. Bon, et en fait, comme le poteau rose a été dévoilé, ça s'est retourné contre ses auteurs, ça s'est retourné contre Pasqua, et comme à ce moment-là, Pasqua soutenait Balladur, c'est Balladur qui s'est trouvé, j'allais dire, lesté du poids Pasqua à ce moment-là, qui aurait dû être un atout au début de campagne, et qui s'est révélé être un boulet en fin de campagne. Et alors, ce qui est intéressant, c'est l'après 95, au sein de la famille néo-gaulliste. Je disais que cet épisode avait marqué cette famille-là très longtemps et que la rivalité, par exemple, Villepin-Sarkozy, c'est l'avatar de cette fracture. Vous êtes d'accord avec ça? En partie, c'est dans la ligne, oui, parce que disons que Nicolas Sarkozy était le premier lieutenant d'Édouard Balladur et de Villepin lui était le premier lieutenant de Jacques Chirac, puisqu'il est même devenu secrétaire général de l'Élysée lorsque Chirac a été élu. Donc oui, cette histoire, elle s'est prolongée. Et en même temps, ce qui est frappant, vous savez, il y a un mot, au RPR, on se désignait, on s'appelait compagnon. Oui, à gauche, on s'appelle camarade. Mm-hmm. Au RPR, on s'appelait compagnon. Et le compagnonnage, c'était pas que un mot. Et c'est quand même frappant de voir que ces gens qui sont quand même, qui sont mis sur la gueule, il n'y a pas d'autre mot, hein, et de manière très violente, très dure, malgré tout, ils sont restés dans le même parti. Donc c'était une querelle violente de famille, mais c'est resté une querelle de famille, ce qui fait que le RPR, malgré ça, n'a pas explosé, qu'au lendemain de 95, les Balladuriens sont restés au sein du RPR. Bon, alors, Chirac est un peu long. Avant de les pardonner et de les faire revenir au gouvernement. Bon, et notamment à l'égard de Nicolas Sarkozy, il a fallu attendre très tardivement. Un peu de purgatoire. Il a fallu attendre quand même un saint septennat complet pour qu'il l'appelle au gouvernement. Mais malgré tout, il y a cette dimension familiale qui a subsisté. Alors, dernière chose, tous ces gens étaient loin d'imaginer que quelques années plus tard, aujourd'hui, cette famille était au bord du précipice. Comment peut-elle se réinventer? Parce qu'on a vu que les socialistes voulaient le faire aussi depuis 5 ans, ça n'a pas bougé. Ça ne va pas forcément vite, ce genre de choses. Comment peuvent-ils le faire? C'est vrai de la droite, c'est vrai du PS aussi. Mm-hmm. Les querelles de famille, et même les divorces de famille, étaient possibles dans des familles politiques dominantes. 95 est possible parce qu'à l'époque, personne ne doute que la gauche puisse remporter l'Élysée. Bon, aujourd'hui, bien sûr, on en est loin. Il y a eu l'accumulation de défections, d'erreurs, la percée quand même du Front National, et ça a tout un autre débat, mais savoir est-ce que Jacques Chirac a eu raison de se mettre en opposition à lui plutôt que d'essayer de le réduire, voire de l'absorber pour le on refait pas l'histoire, mais c'est sûr que Jacques Chirac qui dans les mots a résisté à Le Pen, dans les urnes il n'a jamais su lui résister. Ouais. Et il le paye aujourd'hui. Enfin, la droite le paye aujourd'hui. Voilà, la fameuse stratégie du cordon sanitaire. Peut-être que ça se retourne contre cette famille. Merci infiniment, Guillaume Dabar. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la déconvenue d'Edouard Balladur, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Bien sûr, la technique aujourd'hui, il y avait Michel Bézikian.